بسم الله الرحمن الرحيم طيب أسألك عن كلمة العلا والنفع الأعلى تفرج زوال الهمم أو الهم سلجب. ماجد سلام يعتبى إميغر. النصب بالصاد تعب. كما نقول لا لاسيتود ملل. ما معنى فئة هوب. ما معنى جاب يجاب أقوي. كما نقول difficulté صعاب. كما نقول fournir دوندو نو لا دعو يدوعو Da'ama. C'est un mot, je sais que souvent je m'embrouille avec le mot de. À la base, c'est d'arme. D'arme, c'est tout ce qui est ravitaillement ou. Et c'est un mot, moi, souvent je me confonds avec dama. Dama, c'est les larmes. Parce que t'en as, c'est le ayn, il vient avant le mime. Et t'en as, c'est le contraire. Et souvent, quand je parle, je confonds les deux. Mamana, rahala. Safar. Là. Rahalatun. Là. Jam Rahal. Qui est quelqu'un qui fait beaucoup de voyages. Sir al-Mubalagha. Mamana Dawana Yudawino. Notez quelque chose. Comment on dit un siècle? Ah ouais. Ah ouais. وما هو الجمع ما معنى أثرى يثري طيب يتدريب aujourd'hui non il n'y en a pas je crois طيب tu ne passes pas pour faire des arabes c'est toi qui là tu as juste tes écrits là tu as juste tes طيب اليوم مش راسي أقول أخي درسنا في هذا الكتاب داني درس ف ولو ما في درس فيما سيأتي عليك بمراجعة الكلمات كلها du premier درس jusqu'au dernier et garde-les bien en tête il y en a eu beaucoup de nouvelles dans ce kitab là والحمد لله قال أواسط جم وسط كي هو الميليو قطر للدائرة je crois que c'est ou un diamètre ou un périmètre ou un rayon Mile, ça c'est une distance. Ils appellent ça le mile chez les Anglais. Madida c'est étendu. Ça vient de Med, Yamuddu. Madid, la wasfaril. Annakhil, c'est le palmier. المرافق العامة سافيان ومواصلة عامة توزع يتوزع سي distribuer à la base dispersé non c'est وزع qui est distribué هذا توزع سلام c'est dispersé حول هذا كافة qui veut dire tous et l'al-Nawawi رحمه الله تعالى il a une faïda dit que dans le Loratin en fait كافة normalement on l'utilise qu'en حال tout seul Amar Sanaka il est كافة للناس que dans la langue des Arabes il est venu que comme ça il n'est pas venu en Moudof ou Rel Zalika il vient que en hal mansoub. En réalité, haba yahbu ma'na a'ta, donner. At-tanaqqul, c'est le fait de se déplacer. An-naql. Ar-raghad, ça c'est l'abondance, l'aisance, le confort. Se déplacer, c'est l'aisance. At-tanaqqul. Qatin. سنذكر ماذا قالوا في الكتاب في قاتين ساكن معنى ساكن ساكن لا habité dans son habité تزويد يعني معنى ما زيادة فدو راجوتي شامخ مرتفع معمارية يعني كي veut dire ça vient de l'architecture. Comment on dirait ça? Ça se dit architectural. Voilà, fait d'Al-Ma'ana, si le mot existe en français. Bourjoun. Ah, on a Bourj. Allez, on a Bourj. Une tour. Hein. Sainte, tour. Manara, je veux dire par là les minarets. Saha. Ça, c'est une place. وَبَالُونَ مَعْنَا الذِّهْنِ l'esprit. طيب سنقرأ قال الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض عاصمة la capitale du royaume arabe saoudien تقع في أواسط الجزيرة العربية qui tombe dans les milieux de la péninsule arabique. À la base جزيرة c'est une île. وهي مدينة حديثة c'est une nouvelle ville, ville moderne. قد تطورت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا qu'elle s'est certes développée ces 10 dernières années à travers les dernières années d'un grand développement. En France ça se dit pas mais en arabe c'est, si on veut traduire voilà quoi. وامتدت مساحة البناء فيها et que les étendues de construction sont étendues en elle. Il y a de plus en plus de constructions qui se font. Hatta zada qutruha ala 70 milan. À tel point que son diamètre a dépassé 70 miles. Je ne sais pas si ça veut dire diamètre ou rayon. Hawla hada. Shawari'uha ghalidatun madidatun mada'atun وتكثر فيها أشجار النخيل. طيب واو. Donc ces rues sont très larges, sont très étendues et sont éclairées. Madaatun éclairée. Madida étendue. Ghalida très large. وتكثر فيها أشجار النخيل وشجيرات الزينة المختلفة. Et qu'il y a beaucoup, yakthur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de palmiers et d'arbustes qui sont là pour embellir de différentes façons, différentes parures. Idafatan ila anwa'in min al-azhar al-mutanawwi'a. Et tout cela ajouté aux différentes formes de fleurs de diverses variétés. في الرياض من المرافق العامة ما تضاهي به أكثر مدن العالم. Que à Riyad, il y a beaucoup de transports en commun qui concurrencent la plupart des villes du monde. فالمستشفيات الكبيرة Je ne sais pas si c'est dire transport plutôt ou service. Attends deux secondes. Qu'est-ce qu'ils disent à Marafiq ? À la base, c'est le fait d'accompagner ou quoi ? Mais là, dans le texte. Ah, c'est le khidmat. Non, comme j'ai dit en deuxième. Les services, tout ça. Et non pas transport. À rectifier. Marafiq, ça. Non, c'est les services plutôt. Fal mustashfayat al kabira al takhsisiyya. تضم آلاف الأسرة ومئات الأطباء والممرضات. Que les grands mustachfas, grands hôpitaux, mustachfas, c'est hôpitaux, spécialisés, regroupent des milliers de Asirra, j'ai pas trouvé. Miyat al-Atibba, des centaines de médecins. Ils veulent sûrement des milliers de patients. Et des centaines de médecins et d'infirmières. Wa asharat al-Iyadat, des dizaines de lieux de consultation. Wa makatib al-Barid, tatawazza'u tawazzu'an munasiban fi kathir min al-Ahya'i al-Sakaniya. Et que les bureaux de poste sont dispersés de façon convenable dans beaucoup de quartiers résidentiels. Al-Ahya, c'est le djem de Hayy, qui veut dire quartier. Sakaniya, résidentiel. Amma al-Hadaiq al-Amma, fayya mazharu barizun min mazahir al-Takaddum al-Lazi ta'ishuhu al-Riyad. Et quant aux jardins, les parcs généraux, publics, on va dire, ce sont des choses. Des paysages apparents parmi les paysages démontrant justement l'avance que vit Riyad. L'avancée que vit Riyad. Iz innaha tatawazza'u aydan fi manatiq mukhtalifatin. Car ils se situent également, ou c'est, ils vont jusqu'à se disperser dans différents endroits. Wa yuftatahu minha al-kathiru min kulli hin. Que beaucoup de ces parcs s'ouvrent à beaucoup de moments. وقد جرى العالم العمل على توسيع حديقة الحيوانات. Et qu'ils ont entrepris le travail d'élargir, d'agrandir le zoo. حديقة الحيوانات, c'est le zoo. Le parc des animaliers, quoi, des animaux, c'est le zoo. وتحسينها, et son amélioration. وتطويرها, et sa modernisation. وقد تم افتتاحها بعد تزويدها بالحيوانات المختلفة. Donc après, il a été inauguré, c'est-à-dire ouvert. Iftatah, c'est le fait d'inaugurer, d'ouvrir une chose, après qu'ils aient rajouté différents animaux. Et qu'ils l'ont mis en mesure de pouvoir accueillir des milliers de visiteurs. Et dans Riyad, il y a beaucoup de lieux de commerce. Recherché par les résidents pour faire des achats et également pour s'apaiser l'esprit. Tasli à la base une consolation, mais là ils veulent sûrement faire allusion à tout ce qui est lié au stress, ce genre de choses. Et que les places de Riyad ont été embellies. Bi'amalin فنية mi'mariyatin kathira, par des œuvres, on va dire, qui sont qui sont considérées comme étant de l'art architectural, ou d'une grande architecture. Akada. Wa ashharuha burj al-miyah, et sa plus célèbre, c'est la tour d'eau. Wa manarat al-iza'a wal-tilfaz al-shahiqa. Également les antennes de diffusion et de télévision, elle est très élevée, très haut. Allati yahtadi biha man dhalla tariquhu fi al-madina Riyad, par laquelle se guident les gens qui sont perdus dans Riyad. C'est-à-dire ils se perdent dans la ville, et en regardant, en trouvant ces antennes, mais celle-là est très élevée, ils se trouvent. Ils disent, donc là-bas, c'est un endroit, c'est un endroit. Des points d'orientation. Wa Riyadu allati habaha Allah bi ra'd wa yusr min al-'ish ba'idatun 'an azmat al-muwasirat wa al-ittisalat allati tusaytiru 'ala akthar mudun al-'alam. Donc Riyad, celle que Allah a accordé, à qui Allah a accordé l'abondance et le confort et la facilité pour y vivre, est loin justement de tout ce cette circulation. On va dire, lorsqu'elle est bondée, la circulation, ces embouteillages, ce genre de choses, que causent les transports en commun et autres, ceux qui ont justement, malheureusement, ont pris le dessus dans beaucoup de villes du monde. C'est-à-dire, les transports en commun font de l'encombrement, on va dire l'encombrement, voilà. L'encombrement, c'est ça qu'ils veulent dire par là. فَالْمُقِيمُ فِي الْمَدِينَةِ يَسْتَطِيعُ التَّنَقُلُ بِسُهُولَةٍ فِي أَحْيَائِهَا. Que celui qui y vit peut facilement se déplacer entre ses quartiers. كما يستطيع ان يتصل باي مكان او بلد يريد من خلال سماعه الهاتف. Tout comme il peut appeler en tout lieu et en tout pays où qu'il veut, à part ils font allusion au téléphone. En fait, sûrement à l'époque, parce que ça, le livre est vieux et l'ancien, où sûrement ils devaient mettre des téléphones publics. Alors maintenant c'est fini, maintenant avec les téléphones portables, tout ça, les GPS, il n'y a plus besoin. كما ان فيها كل ما يخطر على بال من مشرب وماكل. Et également à compter tout ce qui passe à l'esprit comme nourriture et comme boisson. وفي الرياض جامعتان, il y a deux universités. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. D'accord, celle de l'imam Mohamed bin Saoud. وتحتم بالعلوم بعلوم الشريعة واللغة العربية. Qui elle s'occupe, elle, des sciences islamiques et de la langue arabe. وجامعه الملك سعود وهي جامعه شامله فيها جميع التخصصات. Et l'université du roi du Malik Saoud, qui elle est une université, on va dire, générale, qui comprend beaucoup de branches dans les choses pour se spécialiser. Mais c'est plus général, c'est tout de dunya quoi. وفي الرياض مساجد ترتفع مأذنها شامخة. Et à Riyad, il y a beaucoup de masajid dont les lieux d'Azan, il fait allusion au minaret, sont très hauts. Afan. ولا يكاد المؤذن يقول الله أكبر لكل صلاة حتى تغرق المتاجر والمصانع. Et que à peine le muezzin dit Allahu Akbar, que tous les lieux de commerce se ferment. Tous les lieux de commerce, toutes les usines se ferment. ويتوقف العمل تماما استجابة للنداء العظيم حيث يتجه الناس للمساجد لأداء الصلاة. Et que tout travail s'arrête complètement pour répondre à l'appel, justement cet appel immense, et que tous les gens se dirigent vers les masajid pour accomplir la salat. Ça, c'est une chose magnifique. نحب أن نسمع مثل هذه الأمور. نعم. طيب قبل أن نخوض الإعرابات سنخوض بعض التدريبات إن شاء الله. الثاني سي أون بير لي تروب. هنا ميل, هنا قطر, هنا حباه, هنا تنقل, هنا يتوزع, تزويد, رغد, كاف, شامخ. أولا الأهرامات معلمون في مصر. L'ahram à la base c'est rahm, c'est le fait de vieillir. En fait là c'est Shamir. Mais j'ai pas vraiment saisi la phrase. Murtafir ou Wadih, chose apparente ou. ثانيا خلي هذا المسافة بين مدينة الرياض ومكة المكرمة 670 تقريبا la distance qui est entre Riyad et Mecca est de 170 000 à peu près. ثالثا الطلاب الى المجتمعات الى مجموعات العمل les étudiants vers les lieu de travail. نعم. توزع. رابعا من نعم الله على العبد ان يمنحه او يمنحه العيش. Parmi les bienfaits d'Allah sur le serviteur qu'il lui accorde de vie. Dans la vie. Ce n'est pas la itlaq, mais bon. Car la plupart des ibad sont les pauvres. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres et les faibles. Naam, Aragad. L'abondance, l'aisance, le confort. De vie. C'est toujours agréable, mais c'est une fitna pour beaucoup de gens, malheureusement. Également. Khamisan, lam yusafir al-ibnu illa ba'dhum bin nasa'ih min walidayhim. Que le fils ne voyage pas tant qu'il n'a pas de conseil de la part de ses parents. Tazouid, Arsent. Qui nous demande encore plus de conseils, quoi. Sadisan, inna shu'ub al-alam tatatalla ila taqaddum. Que les peuples du monde là dans vers la modernité, on va dire comme ça. Yani tatatalla il taqaddum, c'est-à-dire se développe, se modernise. Là c'est un mot qu'on n'a pas pris dans le texte. Haba. Haba. Là, c'est pas haba. Le mot sur lequel le Nawawi dit qu'il y avait une ira. Ah, kaffa. Kaffa. Il veut dire en fait tous les peuples du monde. Sabi'an, Allahu ma'alan wa sihatan. Que Allah de l'argent et de la santé. Akabla hada tawfiqan. Ça, c'est ce qui est le mieux encore. Habba. Habba. Habba yahbu. ثامنا من مكان الى اخر يجدد النشاط d'un lieu à un autre pour renouveler la forme. التنقل, le déplacement. نعم. تاسعا وضع المهندس نقطة على الدائرة ليبدا منها تخطيطه. Que l'ingénieur ou l'architecte a mis un point sur rond pour que commence de là son plan. Il en reste qu'un seul de toute façon. Ah mais je ne m'appelle plus. Ah écoute, quatre. Naam. Comme je dis, je ne sais pas si c'est rayon ou diamètre qu'il veut dire par là. Attends, il va prendre quelques lire à la batte. Inch'Allah. يقول تقع في أواسط الجزيرة العربية. أواسط على أي وزن؟ Donc on a pris أواسط. مفاعل. مفاعل. Donc c'est. هنا الكسرة موجودة. وين كسرة؟ Comme t'as dit, les ممنوع صرف. قلنا علة هي صيغة منتهى الجمهور. Pourquoi une كسرة là? Qu'il est mudaf, donc il est ma'arifa. Comme elle, si elle y rentre, qu'il est mudaf. جر بالكسرة وقد تطورت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا ما يعرف تطورا نعم كبيرة نعم ما يعرف على 70 ميلا ما يعرف ميلا على سهل هذا تمييز تمييز مفرد أو تمييز مفرد مفرد نعم معطان طيب تحت و جعلها صالحة لاستقبال ولا اترك هذا لست على برا شكرا بوقفي وقد زينت ساحات الرياض ما يغلب زينت ساحات الرياض أولا الفعل زينات فعل يعني ماضي مغير صيغة نعم واسم الفاعل سي ساحة أحسنت وفي الرياض جامعتان ما يعرف دل وفي الرياض جامعتان في رياضي جامعتين خبر لا في رياضي أو في بيتوسيا مبتدا أين مبتدا مؤخر أين مبتدا جامعتان نعم مبتدا معرفة رمت النصب رفعي الألف لأنه مثنى طيب تحت أن يحفظ ويتوقف العمل تماما ما يعرف تماما توكيد لا توكيد حال أحسنت استجابة النداء ما يعرف استجابة يستبقى استجابة للنداء مفعول لأجله طيب فبهذا نكتفي الحمد لله on a fini ce livre qui était assez court pas beaucoup de dolos 16 on a pu se profiter ركز sur le côté des arabes que le côté التعبير يعني من باب تطبيق ما أخذنا في الممتع وبعد هذا نتمنى إن شاء الله ندخل في المتممة على الأجرمية إن شاء الله تعالى مفهوم هذا فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك